déjà t'es déprimé. Depuis 10 ans. Non pas parce qu'il est obèse, chauve avec une sale haleine de cendrier. Jaune sans ses dents. Non plus parce qu'il est sadique, pédérastique et alcoolique. Non vraiment pas. Il s'en branle bas. Un vieux nain noir sourd et muet, aveuglement chaud et qui déjà te fait dépression sur dépression. Non pas parce qu'il est obscène, qu'il aime bien donner sa gangrène et ses morpions à des troufions. Non plus parce qu'il est gluant, qu'il pisse du pu et que son gland est virolé et très gercé. Je viens bienvenue. Alors, je viens de débuter mon podcast avec une chanson, un vieux nain noir, des trois corps putains ici. Donc, j'ai de la pochette et que je dédierai à un stagiaire qu'on a eu à notre entreprise qui n'avait pas cette chanson parce qu'avec mes écouteurs, quand je l'écoutais, il y a à peu près 5 ans, il trouvait que ça sonnait bizarre. Pourtant, il n'entendait pas la tune, il entendait seulement que les bruits qui sortaient de l'écouteur. Alors, bon, j'ai pas réussi à rien trouver là-dessus sur Google ni sur Wikipédia. C'est un groupe québécois qui était passablement populaire. Il l'était. Il faisait plein de shows un peu partout dans les francopholies, tout ça. Les trois corps putains. Alors, bon. Alors, c'est un one-shot deal podcast. Dans le fond, ce que j'aimerais faire, c'est ne jamais reprendre mes paroles. Si, mettons, je fais des blancs, ben ils vont rester là. Si je bafouille, ben je bafouillerai. J'aime pas trop travailler, je suis paresseux. Alors, aussi bien faire un projet tout croche que pas de projet tout court. Puis souvent, certainement, je pense que les projets tout croche sont aussi aimés que les projets très léchés, mais qui ont aucun goût. Alors bon. Et je vais essayer de faire jouer une autre tune. Ce serait du groupe Aden Twix, de l'album Avant Hard. Ça serait une tune. Je vais essayer de la trouver, ça sera pas long. Et je la porte tout de suite. Merci. Boy. Bon, je me suis réécouté parler, puis Chris, je fais dur, je parle pas mal en graines. Bon, fait que là, va falloir que je fasse ce podcast-là en gars. Et puis un gars, faut que ça sac. Ça va de soi. Bon, Fait que là, il faut que je sac, puis on va finir par expliquer pourquoi un gars faut que ça sac un jour ou l'autre. J'ai commencé par le concept, les trois rats putains à Dentwix. Et puis, ben, je vais y aller en ordre alphabétique. Je vais faire une soirée en A. Je vais prendre toutes les CD qui commencent par A et qui sont assez expérimentales dans ma bibliothèque. Fait qu'on va en avoir pour une couple de minutes. puis, ben, c'est ça. Je voulais aussi parler de mon commanditaire qui me permet de faire cette émission-là. Ça serait un commanditaire qui ne sait pas encore, qui s'ignore. Ce serait la Saint-Ambroise de McCausland. C'est une petite bière noire que je mélange avec une mystique aux pommes, ça donne un black velvet, c'est assez bon. Puis, ben c'est ça, ça devient une émission de gars. On sac et on boit de la bière. Prochaine tune que je vais mettre, ça va être Afrirampo, un groupe assez étrange japonais. Ça va devenir aussi expérimental que l'autre tune. C'est deux japonaises qui se battent en chantant. Non, c'est pas vrai. Ils chantent et ils font des bruits avec leur bouche. Souvent, je pense que ce sont des mots japonais, mais on les comprend pas vraiment. Je pense qu'elles articulent pas bien. Ils ont joué pas mal avec Sonic Youth, puis une couple de groupes. Ça, c'est le fun. J'aime ça. Good. Oui, bon, alors j'aime ça beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. La tune s'appelait. J'ai perdu le nom. Want You. C'est assez difficile de ne pas s'en souvenir. Ils l'ont répété à vrai 250 fois dans la tune. C'était toutes les paroles. Want You. C'est à peu près la seule tune qui était en anglais. Si on peut dire que c'était en anglais, là. C'était des bruits. Bon, c'était un bon résumé que j'ai fait tantôt. Fait qu'Afri Rampo, Want You. Alors, après ça, ben, hey, cool. Je vais avoir un groupe québécois que ça doit faire à peu près 10 ans que j'ai acheté. Je ne sais pas. Attends, on va regarder. Je vais regarder. C'est un groupe de Trois-Rivières, Alaska. Oui, ils ont une toune sur la poutine. Je la trouve, malheureusement... Je l'ai aimé beaucoup quand j'étais vieux, mais je l'aime moins maintenant parce que je l'ai trop écouté, c'est normal. C'est pas une grosse défaite, là, mais je suis rendu trop expérimental pour un groupe québécois ordinaire qui font du rock ska. Et c'est un groupe rock ska, wow! Mais c'était dans les A, puis je voulais leur faire honneur, puis faire honneur aussi à ce que j'ai écouté dans le passé. Fait que, une toune de poutine, j'ai de la misère à lire le Monsieur Poutine, ben c'est la première toune. Ben c'est cool, ça, on va voir ça. C'était la moitié de la toune de Monsieur Poutine de Alaska, d'un groupe qui venait d'un endroit. Alors ben, j'ai un autre groupe québécois qui arrivait après la lettre A, c'est Acouphène. C'est un groupe de micro-sampling, ça fait des bruits. Ça fait un genre de beat techno. Ouais, c'est ça. Et là, ça c'est la soirée musique des A, mais si ça me tente souvent, ben c'est sûr que ça va me tenter. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un concept, je lis le journal. Là, j'ai pas de journal sur moi, mais de toute façon, c'est déjà rendu à 19 minutes et 35 secondes et 36, 37. Alors là, ben, de toute façon, il va falloir que je me couche. Bon, me couche bientôt. Mais je vais lire le journal et puis je vais essayer de dire partout, pas partout, mais... Tout ce qui me passe par la tête, souvent il me passe des choses par la tête que tout le monde trouve assez... les autres n'ont pas les mêmes idées en même temps que moi, surtout, même dans d'autres moments, ils n'ont pas les mêmes idées jamais que moi. Aussi bien écouter quelque chose que qu'on n'est pas habitué d'écouter. M'entendre parler, on n'est pas nécessairement habitué. On s'habitue à un moment donné, en tout cas. Je vais partir ma toune d'acouphène parce que l'histoire du journal, elle passe pas très bien à la radio. Mais il y a aussi des choses aussi que j'aimerais parler dans le futur à propos des émissions que je comprends pas le but, ou des interviews, des interviews spéciaux que je comprends pas non plus nécessairement. Comme, mettons, je vais te donner un exemple d'une émission à TVA le midi. Il y a une émission avec François Paradis qui est pour ou contre des choses ou ce qu'on ne peut pas être pour ou contre, comme le vent, la pluie. Ou, c'est un exemple complètement absurde, là, mais des fois, c'est à peu près ça dans ma tête étrange. Et puis, des émissions qui interviewent des gens qui écrivent des livres sur des sujets complètement débiles. Quand ça se passe sur le fait, j'aime bien venir écœurer tout le monde avec ça. Et puis, comme ça écœure tout le monde, aussi bien le faire à des gens qui ont la possibilité de passer à la prochaine toune. Comme ça, je me ferai pas d'ennemis. Alors, ben, je pars une toune d'acouphène, comme j'avais dit. Alors, j'interromps la toune, mais j'ai toujours aimé ça, comment que à la radio, ils parlaient pendant les tounes, ils font un petit fade-out, là, puis tac, on y va. Alors, c'est ça du micro-sampling. Alors, j'arrête, je dis, hey, c'est ça du micro-sampling. Colin, qu'on s'était demandé c'était quoi, ben, c'est un mot que Raymond de la boutique Atomart, la personne qui m'a aidé à passer quelques après-midi à choisir mes tounes, Raymond qui travaille... à la boutique Atomart sur Saint-Denis et Sherbrooke qui a beaucoup de bonne musique. Comme je fais passer, dans le fond, tout ce que je vais faire passer va peut-être venir à peu près de là. Et puis c'est ça, Acouphène. C'est assez bon, j'en ai écouté pas mal quand j'avais acheté ce CD-là. Et ça vient pas mal du Québec, parce qu'on peut assez retrouver des extraits de publicité qu'il y avait à la radio. D'après moi, tous les instruments qui sont sur cette tune, c'est à la radio ordinaire. Bon, et puis là, le deuxième CD, le prochain, ça va être un autre CD qui va arriver, que j'ai eu en cadeau de Raymond, justement. Je fais un lien. Raymond m'a donné ça, il m'a dit « T'aimes ça de la musique? M'a t'en passé un CD de pas. » Ça va t'en faire un de plus. Et puis c'est Elite. Ah, Andreas Tillander. Je l'ai jamais écouté, on pourrait aller faire ça. Regardez, qu'est-ce que c'est? Je l'ai déjà écouté, je veux dire, je me rappelle pas c'est quoi. Ah, on va aller faire ça en gang. Google va nous aider. Ah, c'est fait en France. Oh, j'irai pas sur Google, mais... Je vais manger un olive noir, ça va faire pareil. Fait que j'ai un deuxième commanditaire, c'est les olives noires. Une des meilleures choses que ça a à terre après toutes les autres. Meilleure, mais non, c'est une des très bonnes choses qu'on peut manger, les olives noires. Surtout avec une bonne bière. C'est un bon mix, mais en tout cas, je vais arrêter de faire mon kiwi et les hommes. Je vais partir ça, Elite. Et puis après ça, j'en ai une couple d'autres. Ah, je vais faire de l'inventaire. J'ai Anne Laplantine qui est extraordinaire. Des petites tunes minimales techno. Et puis April March, qui est encore plus extraordinaire, que j'ai écouté millions de fois. April March, c'est vraiment débile. Ça fait une chanteuse qui fait des tunes françaises avec l'accent américain. Je sais pas pourquoi, ça m'a toujours fait triper. Ça le fait encore, qui va sortir un autre disque, comme Laurent l'a annoncé sur son podcast. Si vous avez une chance, j'aimerais aider un de mes amis qui se part un podcast. C'est Headphone Required. Et puis, ça devrait être bon. S'il t'offre un peu plus que 2-3. Après ça, ça va être Arsenic 33. Un bon petit groupe québécois aussi qui fait de la musique rock avec du sax et du beat et de l'agressivité, je pense. J'étais allé dans un show d'eux. Et puis, j'avais perdu une coupe de livres de sueur. Et Hottaker, qui est un groupe pas mal populaire de... C'était une musique électronique. Et je vais finir parce que, de toute façon, ça va être interminable avec... ça, c'est Avia Gardner, qui ça vient du Québec, mais j'ai pas beaucoup d'origine. Celle-là, je pourrais le googler avec vous autres comme ça. On va avoir une activité commune. Bon, alors, bon Élite. I read your poems, study the map, around your thumb, follow the path, my feet are numb, and I'm with you. Within your fog, my faded view, I try to talk, but there's no sound. Your subtle heart, in which I drown, and now I'm lost. Your wilderness. No fireworks, no SOS. My arms too short. I guess. If problem solved, the one I bless, this piece of wood in front of you, of mouth to mouth. Bon, ok, je me suis donné comme mandat de ne jamais me préparer. Je pars le micro, puis là, je décide c'est quoi je vais dire. Je pogne le CD que j'ai dans les mains, puis je le lis. Bon, j'ai dit bon, Elite, là, mais c'était le nom du CD, le titre du CD, l'album de Andrea Tilliander. Là, c'est assez dur à dire parce que c'est marqué 1000 plateaux sur Saint-Laurent, Montréal. Il est marqué après ça Made in France. Puis c'est aussi une adresse en Allemagne après. Fait que là, je sais plus où c'est fait, mais c'était bien bon. C'est une bonne petite toune. J'ai pas écouté souvent cette valeur parce que c'est bien tranquille, c'est bien cool. Yes, sir. Le CD de côté. Ah oui, ça c'est Anne Laplantine. C'est super cool. C'est minimaliste au bout. Il faut quasiment écouter tout le CD pour apprécier parce que c'est comme une œuvre. Bon. C'est ça. C'est. J'en ai seulement qu'un d'elle. Cette valeur, c'est assez dur à trouver. Je sais qu'elle est. Qu'elle a plusieurs projets avec plusieurs noms d'artistes comme Michiko Kuzaki. Et puis, c'est cela. Ouf. Ouf. Je cherchais de quoi dire, mais. On va l'écouter, puis. Every morning, when the sky is even blue, I wake up with a choosing head. Thank you. Ouais, ça c'est une crise de bonne tune, ok. Oh, Anna Plantine. Alors, c'était la tune. Je pense que c'était Every Morning. Ça pourrait avoir de l'allure. Je me regardais ça. La tune de Andrea Cylinder, tantôt j'ai oublié de le dire, c'était ça. C'est ça mon oublie. Alors, c'était Rescue Me Now. Mais il l'a dit dans la tune. Si quelqu'un est intelligent, il l'a compris. Je suis en train d'insulter les gens. Je suis en train d'insulter du monde sans m'en rendre compte. Bon, c'était Every Morning de Anne Laplantine. Je commence à trouver ça cool. Quand que je commence à prendre mon temps de même, là, c'est parce que je suis bien. Puis je trouve ça intéressant de faire une émission de radio. Avoir su, j'aurais pas attendu aussi longtemps. Ça fait à peu près un an que j'attends pour faire des affaires cool de même. Si au moins il y aurait une quantité certaine de personnes à qui ça plairait, je serais bien content pour eux autres, bâtard. Là, comme c'est une crise de bonne toune, on va en faire jouer une autre calice de bonne toune. C'est encore meilleur, ben non, c'est pas encore meilleur, je peux pas dire ça, mais c'est bon, pas mal. Alors c'est du... Tu vas mettre une toune que j'ai toujours trippé, on dirait qu'elle fait pas partie, des meilleures tunes d'elle, mais elle a quelque chose que j'ai toujours aimé. C'est d'April March sur l'album Chrominance Décodeur, un vieux CD que j'ai acheté parce que ça faisait, il faisait jouer ça à CISM souvent. Il faisait jouer la tune, je sais pas pour quelle raison, mon petit ami. Et puis, elle est fun, c'est une petite tune cool, là, mais calvaire, ce CD-là, il est plein de bonnes tunes. Là. Pourquoi faire jouer rien qu'une, je ne sais pas. M'a fait jouer Knee Socks, qui est vraiment pas pire dans mes oreilles. The girls in their knee socks, they all got it made. Just walking and whistling in the sun. Shame. They haven't been shown yet how love can behave. They're happy-go-lucky like bears in a cave. The boats in the harbor, they're never alone. The sea licks them all day. J'aime bien gros Elinor Blake alias April March qui va faire un nouveau CD dans pas long. J'ai assez hâte de me pitcher là-dessus. C'est ça, je vais me pitcher là-dessus, me tout péter le rack à CD, bâtard. Bon, là je vais mettre une toune de Arsenic 33. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas écouté ça. C'est une bonne occasion de réécouter. J'ai passé beaucoup de temps à écouter ça dans mon char. Je sais pas pourquoi dans mon char. Peut-être parce que j'avais des voisins qui avaient des oreilles. Je vais mettre une toune cool. C'est Cadavre Exquis. Et d'après moi, ils ont dû suivre le concept comme le titre le dit. Cadavre Exquis. Plein de mots un après l'autre. Là, des phrases. Ben, vous irez sur Google, là, taper sur Cadavre Exquis. Il l'explique mieux que moi. Je commence à m'endormir. Il est exactement 002.00. Ce n'est pas un code spécial. C'est minuit. Oui. Oui. Alors, je vais mettre la toune, puis j'allais me coucher. Mais que l'émission soit finie, il en reste juste deux. Mais allez, je vais essayer de me réveiller pour les dernières tounes, elles sont bonnes. Agressif. Mais non, je l'avais dit, je le répète. Fait que là, ce CD-là est fini. Ah, oh, je l'enlève du lecteur. Je le mets dans le CD, tac tac. Je vais aller replacer ça dans mon bibliothèque, ça sera pas long. Bon. Ah, Arsenic 33, tac. Anne Laplantine, tac. Et April March, ici. D'accord, bon. Oh, je suis reviens. Je vais mettre du attacker, c'est cool. Et puis. Hey, Attaboy, c'était tranquille, tranquille. Alors, c'était une crise de bonne toune. C'est assez le fun. J'ai fait ma première émission de radio. Aucune expérience. Ben oui, maintenant, je peux me vanter que j'ai de l'expérience d'à peu près 2-3 heures. J'ai passé une crise de belle soirée. J'ai eu bien du fun. J'ai réalisé que, en me réécoutant entre-temps, pour voir si le son passait, que j'ai trouvé ça le fun de me réécouter. J'imagine qu'il va y avoir des gens qui vont trouver ça le fun de m'écouter. Et puis, j'ai réalisé qu'il y a des gens qui gagnent leur vie à faire des émissions de radio à la télévision. Ben, gagnent leur vie. Il y en a sûrement qui sont capables de se payer une bière la fin de semaine. Ils font de la radio à FM, tout ça. Et, pouf! Avoir leur talent, ben, je pensais que ça prenait énormément de talent. Et puis, je réalise que peut-être avec une couple d'années, je vais être capable de faire presque pareil. Mais je suis pas professionnel, tu sais. En tout cas, c'est un petit peu... je les regarde faire, je les critique un peu. Des fois, c'est comme si ça serait juste une seule émission qui répète d'année en année. Je veux dire, à tous les jours, ils répètent les mêmes jokes. Ils changent les mots, là, mais c'est les mêmes jokes. Dans le fond, non, c'est le même fou rire, là. On n'entend pas les jokes parce que tout le monde rit. Ils se comptent. Ils s'achalent, ils se chicanent, tout ça. Bon. Pas grave, c'est ça, c'est ça. Les émissions humoristiques à la radio. Après ça, les émissions de chialage et de. Et ou, en même temps, je veux dire, de journalisme critique ou d'enquête ou je sais pas quoi sur des sujets assez complexes. Donc, un sujet complexe, on peut dire des mots intelligents, on peut dire des choses cool. Que tout le monde, la plupart des gens vont croire que c'est du cash. En même temps, ils émettent leurs propres opinions qui sont partisanes ou qui sont. Ou ils expliquent pas pour quelles raisons ils ont leurs opinions. Après ça, ouais, j'aimerais ça absolument que si un jour j'aimais mes opinions, d'être assez intelligent ou être assez brillant pour expliquer au moins en profondeur. Pour qu'il y ait quelques personnes qui puissent comprendre mon opinion, ouais, c'est un petit peu une lacune, surtout mon manque d'expérience en communication. Ben, j'ai pas de manque d'expérience en communication, j'en ai aucune et je n'en veux pas. Si à peu près toutes les émissions qui se font, ce sont des gens expérimentés en communication, je suis pas pour leur voler leur place. Et puis s'il y a des gens qui veulent m'écouter, c'est sûrement pas pour écouter les gens, écouter quelqu'un qui est expert en communication. Oui, c'est ça. Et puis, je vais essayer de trouver un moyen de... Le bug que j'ai avec mon logiciel, on dirait qu'il me fait parler du bout de la langue des fois. C'est pas bien, mais bon. Et sac. Alors, la soirée s'achève. Je vais terminer mon émission à peu près dans... Oh, j'aimerais ça la terminer pour que ça dure une heure pile. Et je mettrai un genre... J'essaie de me trouver un indicatif dans ma pile de musique pour faire une fin. C'est un concept avec un générique. Vous allez pouvoir lire dans le générique. C'est on est à la radio. Ouais, faut que le générique. Ouais. Il me reste encore une minute. Ouais, 2 minutes. Attends, boy. C'est comme si je serais en direct, mais je suis pas en direct partout. Mais il y a un compteur. Fait que je vais attendre. Je vais attendre que ça finisse. Ici, dans le Rona. Ouais, ça, j'ai la circulaire du Rona. Il y a des moules à pavé Patmate à 19,97 de 20 pouces, tout ça. Tu mets ça sur ton terrain, c'est un moule. Tu remplis de ciment. Et puis, ça te donne des dalles, là, finalement, comme si ça serait sur le bord de la rue. Tu as des trottoirs, mais là, tu peux faire des trottoirs en dalles de ciment. Dans le fond, tu coules ton ciment, puis ça donne des belles formes. Puis, pour 20$, 20 Chris, t'en achètes rien qu'une, tu sais, je sais pas si... Ah non, faut que tu n'achètes une coupe, parce qu'à peu près, tu peux plus les enlever, il y a plein de ciment. Bon. Fait que ça, c'était ça. Ici, j'ai un compte de Visa. Je l'ai pas ouvert, je vais l'ouvrir. Et si, ouais, ça va mal à la shop. Moi qui disais qu'il payait tout le temps mes comptes, ici... Ah oui, j'ai un compte à payer de 1 sou. Ça, c'est extraordinaire. Hey, 1 cent. Ouais, va falloir que je mette le concept et que je mette ma photo de... Je vais prendre une photo de ce compte-là, 1 cent. À avoir su, j'aurais pu me filmer l'ouvrir. Ça serait encore plus cool. mais c'est pas une émission de télévision, c'est une émission de radio ou un podcast. Alors, cette émission-là va pouvoir me donner le droit d'accès au podcast, au Pod Montréal, que Laurent parle sur son site. Je m'excuse de t'avoir cité. Et il m'a invité avec Facebook. Je vais pouvoir aussi inviter les gens qui écoutent l'émission et qui l'aiment à se joindre à un réseau Facebook de mon émission qui, soit dit en passant, s'appelle La Folie Choquée. Alors, il a fallu que j'attende la fin, dans le fond, pour dire que mon émission s'appelle La Folie Choquée. C'est La Folie Choquée, une expression que j'ai inventée à partir de l'expression bien connue, c'est La Folie Furieuse, mais je l'ai mis comme ça. Alors, ça fait une heure exactement, je coupe.